Fin décembre 2002. Chapitre 13e. Vacances. Journal. Extrait numéro 2. Cher grand-père, ce sont enfin les vacances et ce n'est pas trop tôt. J'ai bien cru qu'il n'arriverait jamais. Avant de me coucher, j'ai relu les statuts du club et une fois de plus, je me suis bien marré. Quelle prétention tout de même. Enfin, trouver ce cahier bleu a sans doute été le plus beau jour de ma vie. Car j'ai enfin eu ma revanche. Je t'ai pris ce à quoi tu tenais le plus. Quel pied! Je t'imaginais bouillant de rage dans ton cercueil. Surtout que je ne me suis pas arrêté là. J'ai ressuscité le club 23. Personne ne s'en soucia plus trop et, détail qui a son importance, je suis ce terminal, celui que tu rêvais tant d'être. Il est vrai que la place a son charme, tandis que la tienne était de statut très inférieur. Toi, tu étais certainement Galtier, le receleur. La maison de Marly était assez vaste pour cela. Bref, tu faisais partie des deux indirects, c'est-à-dire que tu appartenais à la classe des grouillots. En revanche, je serais curieuse de savoir comment tu as mis la main sur les statuts du club. Je sais bien qu'il ne s'agit pas des statuts originaux. Tu as eu au moins l'honnêteté de reconnaître que tu les as recopiés, pour ne pas qu'ils se perdent. Pourquoi pas, après tout ? Je t'accorde pour cette seule fois le bénéfice du doute, mais n'en réclame pas davantage. C'est déjà une bien grande faveur que je te fais. Qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre nous. Je te hais, d'une puissance au moins égale à celle que tu me témoignais quand tu étais encore de ce monde. Simplement parce que je suis né sans paire de couilles, ce qui mettait en danger la présence de notre nom au sein du club. En cas d'absence de descendance mâle d'un membre, un autre membre deviendra terminal. C'était pour toi perdre le pouvoir, l'influence, ne plus être l'agissant. Pourtant, je te le répète, tu ne l'as jamais été. Contrairement à papa, mais en ce temps-là, le club avait été dévoyé. Ce n'était plus qu'une bande de copains qui se réunissaient pour faire la fête. Papa, ton plus grand désespoir, n'a jamais pris le club au sérieux. Il n'en a jamais saisi l'importance. C'est moi seul qui l'ai rétabli dans sa forme originelle et, permets-moi de te le dire, grandement amélioré au passage. Il faut tout de même bien reconnaître que de ton temps, tout cela manquait d'ambition. Les délits commis étaient mineurs et prêteraient à rire aujourd'hui. Avec moi, au moins, on est entré dans le 21e siècle. J'en ai tout de même conservé la structure et la philosophie. Une tête pensante, quatre directs et deux indirects. J'ai également gardé le nom des membres mentionnés à l'origine et leurs caractéristiques. J'ai conservé la dénomination du club et surtout, je suis la seule à connaître le plan d'ensemble. J'ai gardé le principe parce qu'il est bon. Sept personnes ne se connaissant pas entre elles au départ, une symbolisant chaque section. J'ai recruté un Berthelot. Pour celui-là, j'ai eu du mal. Un Simian, un Pardet, un Dessert, un Bobin et un Galtier, dont je me suis débarrassé, comme de Pardet d'ailleurs. Les flics viennent de découvrir que la mort de Galtier n'est pas accidentelle, ce qui complique un peu les choses. Mais pas de danger toutefois. Il ne risque pas de remonter jusqu'à moi. Enfin, la mort de Galtier a au moins eu l'avantage de calmer un peu de serre. Il ne parle plus de partir, ce qui de toute façon serait impossible. En tout cas, j'ai refusé l'intégration de Stéphane, même s'il a parfaitement rempli sa part du contrat. Bobin est vexé parce que c'est un beau copain, mais c'est justement ce qui coince. Pas de tandem. C'est vrai que Stéphane ferait un bon Bobin, il en a toutes les qualités, mais que faire alors du Bobin actuel? Il ne peut devenir Galtier. Même s'il pourrait facilement devenir externe, ses parents sont toujours dans les parages et sa mère est curieuse comme une pie. L'idiot se ferait très vite coincer, et cela n'arrangerait pas mes affaires. Donc, mieux vaut renoncer à cette idée. Pour le remplacement de Pardès n'est pas plus facile, même si j'ai un candidat en vue. Malheureusement, le spécimen doit déjà avoir un casier, ce qui est incompatible avec les statuts du club. De plus, Berthelot n'approuve pas. Je me ficherais bien de son opinion s'il n'avait raison sur un point essentiel, son manque de discipline. Sans doute, il sera moins manipulable que les autres et surtout, il est roué, donc très dangereux. Mais à voir tout de même. N'empêche que tout cela retarde d'autant la prochaine action du club. Ah, si seulement Pardet ne m'avait pas fait de chantage. Assez pour ce soir. Viard avait convoqué Dutilleul une nouvelle fois. Les deux meurtres semblaient beaucoup l'intéresser. « J'ai un sentiment pour le moins bizarre sur cette affaire, Dutilleul. » Viard lui indiqua l'une des chaises flambant neuves et certainement très chères qui meublaient son bureau. À présent, il n'y avait plus rien de Destrée. Il était parvenu à obtenir un de ces bureaux métalliques très tendance, que Dutilleul, pour sa part, avait en horreur. L'éclairage, beaucoup trop vif, donnait un aspect clinique pas des plus heureux à la pièce, et la peinture fraîche gris-souris n'arrangeait rien. Pourtant, son chef ne tenait pas des propos si oiseux. Lui aussi devait bien s'avouer qu'il y avait quelque chose dans cette affaire qu'il était parfaitement incapable de définir. « C'est cet établissement des Tournelles qui m'ennuie beaucoup. Il faut faire très propre. En tout cas, vous vous êtes déjà bien sorti avec l'ourjade, ce qui est déjà ça. Finalement, cette autopsie n'était pas une si mauvaise idée, même s'il nous manque toujours le lien. À mon avis, celui-ci ne va pas être simple à trouver. Plus cette affaire avance, plus je suis comme vous. J'ai le sentiment très net que tout est lié. J'ai beaucoup apprécié votre rapport, clair, précis, sans mots inutiles. Sachez que je partage pleinement vos interrogations. » Si vous avez raison, je me demande bien comment nous allons pouvoir le démontrer. Les preuves qu'il nous faut rassembler ne sont pas des plus simples à obtenir. N'en poursuivez pas moins. Après tout, on ne sait jamais.